Bosco, d'Ouiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 9 juin 2021. Voici les grands titres de cette édition. Des parents d'élèves expriment leur satisfaction par rapport à la suspension des examens à réseau par le ministre de l'Éducation nationale, mais ils suggèrent d'autres mesures accompagnatoires. Des bandits profitent de l'obscurité pour commettre des vols et d'autres forfaits dans différentes rues de la capitale économique Bujumbura. Reportage à suivre. Et le reportage du jour nous parlera d'une femme chef de la zone Kayogoro en commune Makamba. Elle vient de passer 13 ans à diriger cette entité administrative. Et dans la chronique sur les messages de haine, un sociologue nous expliquera comment la peur de l'autre peut gagner toute une communauté. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour et bonne réception de ce journal. Les parents sont satisfaits de la récente mesure du ministre de l'Éducation nationale qui suspend les évaluations communes ou en réseau pour les examens du troisième trimestre de l'année scolaire en cours. Selon le représentant des parents à l'école Notre-Dame Rohiro, cette mesure vient corriger les erreurs observées lors des deux premiers trimestres. David Ninganza trouve qu'il faudrait d'autres mécanismes pouvant accompagner la mise en application effective de la dite mesure. C'est vraiment une satisfaction pour nous les parents parce que la mesure est contraignée, nos enfants, les enseignants et les partenaires éducatifs. Les travaux à raison dans les écoles existaient depuis 2019. Alors, pour le moment, on avait devancé cette ordonnance et les raisons concernées se concentraient plus sur les évaluations dans les classes pendant les examens. Alors que l'ordonnance, en rapport avec les évaluations, stipule bien le rôle de l'enseignant, le rôle du préfet des études, le rôle du directeur et le rôle de l'élève pédagogiquement. L'évaluation, c'est l'enseignant qui s'ajuste en fonction du niveau de son enfant. Donc, nous sommes très satisfaits parce que c'est une mesure qui vient corriger les erreurs du passé au premier trimestre, deuxième trimestre, pour dire que cette fois-ci, chacun des parties prenantes trouve sa place. N'oubliez pas que nous sommes vers la fin de l'année où c'est le jury qui statue sur quelqu'un qui a réussi ou qui n'a pas réussi. Alors, imaginez-vous alors, quand c'est pas l'enseignant qui donne cours, qui a corrigé l'élève, parce que cela s'est passé ici à mairie de Bujumbura, surtout commune Mukaza, où l'enseignant n'avait pas droit de faire même recorrection d'une copie quand il remarque des erreurs de la part de son collègue. Vous comprenez que l'enseignant était privé vraiment de ses droits. Ça va changer beaucoup de choses, même s'il y a des lacunes, certainement que le ministre ou bien ses collaborateurs vont mettre en place d'autres mécanismes dans le sens de corriger les erreurs constatées. Par exemple, on avait commencé de tourner ou de produire des examens au niveau de la province. Il y a des écoles qui ont collecté de l'argent. Il y a des parents qui ont payé de l'argent. Vous comprenez qu'il y aura des questions pareilles qui nécessitent des ajustements, qui nécessitent des réactions sages et pacifiques de la part des parties prenantes. David Ninganza, représentant des parents à l'école Notre-Dame de Rohiro. Certaines rues de la capitale économique Bujumbura font face à un manque criant d'éclairage public et certains citadins que la radio-télévision Isanganiro a rencontrés s'indignent et dénoncent les vols et autres forfaits perpétrés par les malfaiteurs qui se cachent derrière cette obscurité. Cela étant, certains quartiers de la capitale économique se réjouissent de l'éclairage fait par des particuliers. C'est un reportage d'Oda Ndaishimi. La défense des poteaux d'éclairage public. Telle est la principale raison de cette obscurité qui s'observe sur la plupart des routes de la mairie de Bujumbura. À partir de l'avenue d'Adaye jusqu'à la Braroudi, aucun lampadaire n'est fonctionnel. Seuls quelques projecteurs installés par la Braroudi éclairent la route. Depuis le rond-point Metalusa jusqu'au rond-point Chanik, seuls deux lampadaires fonctionnent. Sur la route allant vers l'aéroport international de Bujumbura, au niveau de la bifurcation sous l'industrie Savonor, seules quelques lampes de la dite industrie et celles se trouvant dans les enceintes de l'ex-Ebinib éclairent faiblement les passants, le reste de la route n'étant éclairé que par les lumières des voitures qui passent. Arrivé au boulevard Mwambutsa, passant devant le Parlement du Burundi, aucun lampadaire ne fonctionne. Une avis chrétienne nous parle des conséquences du non-éclairage de cette route. Quand nous revenons de l'école, ça fait trop peur parce qu'il y a des lampes, mais ça n'éclaire pas. Donc, nous sommes obligés de dire à nos parents de venir nous prendre alors qu'eux aussi ont d'autres charges à faire, ont d'autres choses à faire. Nous avons très peur en fait. Beaucoup de cas sont signalés. Par exemple, tu peux passer ici vers 20h, 21h et des gens t'attrapent, ils foutent ton sac, te tabassent ou bien si tu es une fille, ils peuvent même te violer. Au moment où le boulevard Mwedigisabo est aussi plongé dans une obscurité quasi constante, la zone Nyakawiga sur l'avenue de l'UNESCO, en dessous de l'Université du Burundi, sur l'avenue de la République et sur la route séparant Nyakawiga 2 et 3, est par l'initiative de la population éclairée. Didier Nihorimbele, habitant de la commune, parle des bienfaits de cet éclairage. Cet éclairage a été bénéfique pour nous les commerçants, car s'il y a coupure d'électricité, ces lampadaires restent allumés. Ils éloignent les voleurs potentiels. Tout le monde ici a été content de cet éclairage. Avant son installation, on était obligé d'allumer les bougies avec les coupures d'électricité. Mais maintenant, je peux continuer à travailler sans avoir besoin d'allumer les bougies. La population a également pensé à un système de protection de ces infrastructures contre les vols, un modèle inspirant, car là où arrive la lumière, suit le développement. C'était un reportage de Oda Ndayishimiye. Nous n'avons pas encore réussi à joindre le maire de la ville de Bujumbura pour qu'il s'exprime sur cette situation. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'échange d'expertise et d'informations scientifiques en matière d'énergie, c'est l'un des éléments du mémorandum d'entente et de coopération qui va durer 5 ans, un mémorandum conclu ce mercredi entre l'Université du Burundi et l'autorité de régulation des secteurs de l'eau potable et de l'énergie. Le professeur Sanctus Niragira, recteur de l'Université du Burundi, informe que ces accords vont contribuer à la promotion de l'énergie au Burundi. Le commerce des services a été également à l'objet de l'Organisation mondiale du commerce. Là, le Burundi a également offert ou bien soumis des offres au niveau du commerce des services, mais peut-être différents des 5 secteurs prioritaires. Pour le moment, la ZERCAF a priorisé 5 secteurs prioritaires. On a vu que, du moins, les acteurs impliqués dans ce commerce peut-être ne sont pas bien outillés pour prendre ces avantages offerts par l'Union africaine ou bien le commerce intra-africain. Nous avons donc voulu que, pour bien préparer notre offre, les Burundais, surtout les acteurs impliqués dans les 5 secteurs prioritaires, puissent s'asseoir ensemble pour préparer l'offre du Burundi. Normalement, les offres qu'on a données au niveau de l'Organisation mondiale du commerce est pris comme base. Ces offres sont prises comme une base pour les négociations au niveau de la ZERCAF. Normalement, on ne devrait pas aller moins de ce qu'on a donné au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Mais les pays sont encouragés à offrir plus au niveau de la zone de libre-échange continentale. C'est-à-dire que les offres qu'un pays a soumises au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, le pays ne devrait pas aller donner moins de ce qu'il a offert au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. C'est pourquoi nous avons voulu rencontrer les acteurs économiques dans les 5 secteurs prioritaires pour qu'on puisse améliorer ou bien offrir d'autres services ou sous-secteurs des services qu'on n'a pas offert au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, mais que nous voyons qu'aujourd'hui puissent porter des fruits au niveau de l'économie burundaise. Vous voudrez bien nous excuser, c'était le chargé du commerce et des services au sein du ministère du commerce dans un atelier de 3 jours organisé à l'intention des intervenants dans différents secteurs du commerce, Onésime Nikura. C'est à Gitega, il dit que les produits échangés depuis longtemps dans les secteurs de la télécommunication et du transport au sein de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, ne seront pas changés, mais que chaque pays pourra ajouter d'autres services selon ses capacités. Il a dit que l'objectif que ces opérateurs puissent introduire d'autres services dans leur commerce. Venons-en maintenant à l'échange d'expertise et d'informations scientifiques en matière d'énergie. comme un des éléments du mémorandum d'entente et de coopération qui va durer 5 ans, tel que conclu ce mercredi entre l'Université du Burundi et l'Autorité de régulation des secteurs de l'eau potable et de l'énergie. On écoute les précisions du professeur Niragira Santos, c'est le recteur de l'Université du Burundi. Ce mémorandum est signé dans le cadre de participer à la réalisation du plan national de développement. Vous savez, ici à l'Université du Burundi, nous avons des ressources humaines, des experts, et nous devrons contribuer aux activités de développement de notre chère patrie. C'est pourquoi l'élaboration et la signature de ce mémorandum, ça va nous aider à contribuer dans le secteur de l'énergie, à apporter l'expertise de l'Université du Burundi au service de la reine et vice-versa. La collaboration avec la reine, ça va nous aider aussi à archiver les travaux de recherche. Nos experts vont contribuer avec la collecte et l'analyse des données sur le secteur de l'énergie, aussi l'élaboration d'un cadre légal et aussi à faire amener des études sur la situation et le respect des standards en matière de l'énergie. Les objectifs de ce mémorandum, c'est l'établissement et le maintien d'informations sur l'accès à l'énergie moderne et la fourniture d'un appui aux services publics concentrés pour l'élaboration d'un cadre légal, qui régit le secteur de l'énergie, et puis le transfert des connaissances des technologies et aussi le renforcement des capacités et certifications des opérateurs et techniciens du secteur de l'énergie et l'échange d'informations scientifiques et l'évaluation des besoins. Le plus-value, actuellement, il y a une politique d'utilisation des ressources disponibles de façon rationnelle, c'est-à-dire que les ressources qui sont disponibles ici à l'université vont être mises à profit de la reine et vice-versa, et aussi la population va en bénéficier beaucoup. C'était le recteur de l'Université du Burundi, Santos Niragira. Les préparatifs pour un élevage en stabulation permanente inquiètent les éleveurs en commune Mugamba de la province Bururi. Ceux qui ont été visités par la radio Isanganiro expliquent qu'ils ne voient pas encore ce qui pourrait remplacer les revenus perçus après la vente d'une de leurs bêtes pour survenir à leurs besoins. Par ailleurs, ils déplorent l'insuffisance des médicaments et des techniciens vétérinaires. Ces éleveurs voudraient que le gouvernement burundais arrête des dispositions pouvant assurer la survie des éleveurs après la mise en application de cette mesure. À la source, reportage. Le reporter, à la source nous conduit au chef-lieu de la zone Kayogoro, de la commune Kayogoro en province Makamba, où la chef de zone passe près de 13 ans à la tête de cette entité administrative. Et parmi les réalisations qui font la fierté de Marie Nizigama figure la lutte contre le concubinage qui s'observait quand elle a pris ses fonctions. Selon elle, toute autorité doit être confiante. Elle appelle d'autres femmes à occuper les postes de prise de décision et demande aux hommes de leur faciliter la tâche. Elie Nibel Nibigira l'a rencontrée. Marie Nizigama est chef de zone Kayogoro en commune Kayogoro de la province Makamba depuis le 19 juin en 2008. Quand elle a pris ses fonctions, elle a fait face au concubinage suite principalement aux migrants des autres provinces à la recherche du travail. Ils y laissaient chez eux des femmes légales et en épousent d'autres. Le combat contre ce phénomène est l'une des réalisations qui font la fierté de cette chef de zone. Au cours des fonctions, sa confiance, ça devient difficile. Je me félicite de la confiance et des réalisations. Nous avons réussi surtout la gestion des problèmes sociaux. Ici, en zone Kayogoro, beaucoup de gens migrent en provenance de différentes régions. Et parfois, certains laissent leurs épouses et veulent épouser une autre femme. Il y a aussi un autre phénomène. Si un homme s'appelle chez eux Juma, ici, il s'appelle Leonidas, par exemple. Cependant, la responsable de la zone Kayogoro dit qu'elle a pu résoudre ses problèmes. Une dizaine d'hommes ont été expulsés quand ils tentaient de concubiner ces 5 derniers mois, tandis que 4 sont en train d'être recherchés, témoigne Marie Nizigama. Mais comment ces camouflés sont attrapés? Quelquefois, nous collaborons avec d'autres différents chefs de zone et on envoie les photos de ces gens. Après les avoir identifiés, nous les remettons chez eux. pour que le problème soit résolu. Quand les habitants de cette zone ont remarqué que nous sommes en train de réprimer ce mauvais comportement, ils se sont ressaisis. Nous avons aussi tenu pas mal de réunions de sensibilisation et nous avons combattu le concubinage. En tant que femmes, cela constitue notre fierté et nous souhaitons continuer sur cette lancée. Marie Nizigama appelle d'autres femmes à s'activer dans l'occupation des postes de prise de décision. Elle est trop facile pour les femmes de saisir une autre femme plus qu'un homme. De plus, une femme occupant un poste doit limiter ses naissances et bien gérer le temps pour les responsabilités publiques et le temps pour les obligations familiales, conseille cette responsable administrative de la zone Kayogoro. Les femmes comme moi, je les appelle à occuper les postes de prise de décision, car vous voyez que les femmes sont plus nombreuses dans le pays. C'est facile pour une femme de saisir une autre qui occupe ses fonctions. Elle se sent à l'aise et lui confie tout. J'appelle aussi les hommes à comprendre leur femme, car être dans les organes dirigeants, ça fait partie des droits de la femme. Au début de l'exercice de ses fonctions en zone Kayogoro, Marie Nizigama pouvait recevoir des plaintes liées au concubinage jusqu'à 10 cas par jour, mais aujourd'hui ne dépasse pas un ou deux, voire personne. Parle, rassure-moi. La peur entre deux groupes antagonistes est une émotion accompagnant la prise de conscience d'un danger, d'une menace entre eux. Et Patrice Savouguheba, sociologue, explique que cette peur se construit petit à petit jusqu'à se propager dans une communauté. Selon ce sociologue, la peur peut provoquer des violences de masse à la longue si rien n'est fait dans l'immédiat. Ornella Mucho. La peur entre deux groupes antagonistes peut être liée à l'histoire du passé ou aux rumeurs. Le sociologue Patrice Savouguheba fait savoir que cette peur crée un sentiment de méfiance entre ces deux groupes. Généralement, tous les groupes ont des meneurs, ont des leaders. Si le leader se sent menacé, cultive cette peur, il est facile que la peur envahisse le groupe. Et là, le leader, quand il a peur, il apprend, il annonce à ses adeptes, à ses amis, à son groupe que les auteurs de la menace sont ceux-là. Et il pointe du doigt l'autre groupe. Il signale que les violences de masse observées dans le passé du Burundi naissaient de la peur. Cette peur propagée lentement entre individus, entre petits groupes, entre grands groupes peut engendrer un conflit de masse. Parce que le groupe pris pour ennemi prépare une contre-attaque ou une attaque. Le groupe qui se sent victime, qui se sent menacé, prépare une défense. Et il suffit d'un petit rien de déclencheur. Alors, la guerre commence, les chicanières commencent. Le passé même est récent. En 2015, nous avons vu de grands groupes fuir le pays. Nous avons vu du sang versé. Et là, c'est à partir de la peur que les gens arrivent à se tuer, à fuir, à préparer des attaques meurtrières. Selon ce sociologue, ces tensions doivent être gérées par le médiateur. La plupart des fois, la société telle qu'elle est bâtie, elle a des structures. Beaucoup de structures au niveau de l'administration, au niveau de la justice, au niveau de la sécurité, au niveau de la diplomatie, au niveau de la société civile, au niveau des médias. Toutes ces structures peuvent trouver un cadre d'entente avant même que le sang soit versé. Mais si le danger a eu lieu, si le coup est déjà consommé, les mêmes structures peuvent jaillir en groupe d'intermédiaires. C'est comme ça que la société a vécu depuis longtemps, même aujourd'hui, même demain, il y aura toujours des responsables, des notables, des machinganai qui naissent des milliers de conflits. Le médiateur doit être neutre. Son rôle n'est pas d'imposer un accord après avoir entendu les deux versions du problème. Il n'a pas également à déterminer la culpabilité ou l'innocence, mais doit simplement aider les personnes en conflit à arriver à une solution sans perdant. Ornella Mucho, et pour boucler définitivement ce journal dans le reste de l'actualité internationale, comme annoncé par le gouvernement congolais, les populations déplacées de Goma et dans leur territoire commencent à regagner la ville après l'éruption volcanique du 22 mai et l'ordre d'évacuer du 27 mai. Les autorités ont noté la fin de la coulée, la solidification des laves ainsi que la diminution sensible des tremblements de terre dans la zone. Et Joe Biden part ce mercredi pour l'Europe. C'est le premier déplacement à l'étranger du président américain depuis son arrivée à la Maison Blanche. Le président américain entame donc sa tournée européenne par une rencontre ce jeudi avec le premier ministre britannique Boris Johnson, qui cherche notamment à obtenir un accord commercial avec les États-Unis après le Brexit. Joe Biden participera ensuite au sommet du G7, déjà marqué par l'accord entre ces pays sur la taxation des multinationales. Direction ensuite Bruxelles pour un sommet de l'OTAN le 14 juin, puis un sommet entre l'Union européenne et les États-Unis avant une rencontre très attendue avec le président russe en Suisse. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Séraphine Hakizimana a mis en onde ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Au micro, Jean Bosco d'Ouimana. Passez un très bon après-midi.